Le but français signé Kylian Mbappé qui devient à 19 ans le plus jeune buteur français dans un mondial. La France peut désormais se pencher plus attentivement sur ses adversaires potentiels du groupe D, la Croatie, l'Argentine, l'Islande et le Nigeria. Aux États-Unis, la visite surprise de Melania Trump dans un camp pour enfants. La première dame s'est rendue hier dans un refuge pour enfants clandestins à McAllen au Texas. Une scène surprenante au moment où son mari Donald Trump essaie d'éteindre sur la polémique qu'il a lui-même créée en séparant les familles de migrants mexicains. 2300 mineurs ont été arrachés à leurs parents depuis le début du mois de mai. Des soucis judiciaires pour les frères Bogdanov. Les jumeaux Igor et Grishka ont été mis en examen hier pour escroquerie sur personnes vulnérables et tentative d'escroquerie. Ils auraient pris quelque 800 000 euros à un producteur de cinéma aisé mais fragile sur la gestion de ses biens. Les frères contestent fermement les faits qui leur sont reprochés. C'est définitivement terminé pour Autolib, plombé par un lourd déficit d'environ 300 000 euros. La ville de Paris a décidé de mettre un terme au contrat avec le groupe Bolloré. Les petites voitures électriques ont été lancées en 2011, mais ont dû faire face à la montée en puissance d'autres modes de déplacement, comme le vélo électrique ou le VTC, par exemple. La mort du baron Ampin, l'ex-homme d'affaires belge, est décédé hier à 80 ans à l'hôpital de Pontoise. Son enlèvement avait défrayé la chronique en 1978 à Paris. Il avait été séquestré et torturé pendant 63 jours et libéré lors d'une remise de rançon ratée qui avait permis l'arrestation d'un des ravisseurs. Et puis, nouvel épisode de grève aujourd'hui et demain à la SNCF. Et oui, l'entreprise prévoit 9 TGV sur 10, 3 TER sur 5 et 2 Transiliens sur 3. Ezou, c'est reparti pour une belle journée ensoleillée, gris sur le Pays Basque quand même ce matin. Et on devrait aussi avoir quelques nuages sur les frontières du Nord-Est et sur la Côte d'Azur, avec quelques averses possibles du côté de Nice en matinée. Mais en milieu de journée, le temps devrait être ensoleillé pour tout le monde. Le week-end sera beau aussi, mais pas du tout étouffant. Et le ciel bleu continuera la semaine prochaine avec des températures qui vont progressivement recommencer à grimper. Les températures en ce moment, elles sont plutôt fraîches pour la saison. 7 seulement ce matin à Lille, 10 à Rennes, 13 à Paris, 14 à Lyon, 20 degrés pour Toulouse. 6h02, bonjour à tous, bonjour Justine. Salut Greg, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette première heure du Double Expresso RTL2 avec l'horoscope à 6h25, le winner du jour à 6h35, le tube de la brosse à dents à 6h45 au 32-28 et le top 3 de Jonathan Donnel. T'es en forme ? Oui, ça va bien. Oui, baillote tranquillement pendant que j'annonce l'info expresso qui sera là à 6h18, tout va bien. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. I can hear the birds, I can see them fly. 5, c'était le double expresso avec The After. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Castle in the Snow pour le titre de la chanson. Bonjour, bonne matinée, bon courage et à lundi. Voilà, depuis qu'on a fait la fête hier. Je me suis dit, on peut tenter comme ça. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bienvenue, hier c'était la fête pour le double expresso RTL 2. On se fait un petit dîner tranquillement. On s'est fait un petit dîner de fin d'année, ouais, c'était sympa. On vous a posté ça sur les réseaux sociaux. Il y a Jonathan Daniel qui est avec nous ce matin. Bonjour Jonathan. Bonjour Grégory. Le bonjour de la fatigue. Guettez des petits moments de flou par moment comme ça. Bonjour Jérémy. Ah, bonjour l'équipe. Bonjour. Oui Juju. Mais je suis rentrée, c'était la fête de la musique hier. Je n'ai pas pu dormir parce qu'il y avait trois personnes qui faisaient... Bah, on peut appeler ça de la musique dans leur langage. Elle a dit trois musiciens, elle a dit trois personnes. Ouais, trois personnes. Il faisait du bruit. Alors que lui, il est rentré du repas, il a regardé des Brésiliens chanter pendant un quart d'heure. C'est Max. Bonjour Max, arrête avec ton et ouais, je te jure. Ah oui, c'est vrai, je dis toujours et ouais. C'est un tic des langages. Bonjour l'équipe. C'est pas grave finalement. Ouais, non, c'est pas très grave. Aujourd'hui, c'est un jour important pour tous les fans de Nicolas Sirkis, c'est son anniversaire. 59 ans pour le leader d'Indochine. 59 ans. Ah oui, mais il y a vraiment, il faut bien qu'ils grandissent quand même. Ah ouais. Et 65 ans, ça va te choquer encore plus pour Cyndi Lauper. Non, ça me choque moins. D'accord. De toute façon, je ne cherchais pas à te choquer en fait. L'idée n'était pas de te choquer, évidemment. On est ravis d'être avec vous. Il y aura les RTL de Double Expresso Music Awards. C'est vous qui avez voté sur la page Facebook de l'émission. Quels sont vos lives préférés? Réponse tout à l'heure entre 8h et 9h.

6h16, nous jouerons pour la première fois ce matin. D'ici une demi-heure, ce sera le tube de la brosse à dents RTL2. Avec à gagner 500€ à dépenser sur le site spartoo.com où vous trouvez de tout. Et oui, vous pouvez faire des petits paniers que vous allez valider grâce au double expresso RTL2. Voici Nirvana. Unplugged About a Girl sur RTL de 6h19. L'info expresso du double expresso RTL 2. Tu nous vas nous faire flipper donc. Ah, c'est un bon lancement ça en tout cas. Bien. Bah, non, non, tu mais nous vraiment, as dit que, c'est flippant. Tu vas nous faire flipper. Oui, c'est vrai que je vais vous parler de l'humain parfait et forcément la perfection effraie. Ça, c'est et certain. La perfection n'existe pas. Bah, je vois bien surtout comment les gens ont peur de moi. Généralement, régulièrement, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Hilarant. Il est cabot. Donc, aujourd'hui, sur MSN.com, je vous ai trouvé l'humain parfait. Enfin, c'est pas moi, c'est Alice Roberts, qui est très connue en Angleterre. Elle est professeure à l'université de Birmingham. Elle assure la présentation de nombreux documentaires scientifiques sur Channel 4 et la BBC. Et elle nous a dit, tiens, je vais vous raconter ce que c'est l'humain parfait. Alors, du coup, on s'est intéressé à ça. Alors, c'est un corps hybride qui a un cœur avec plus d'artères. Comme ça, il ne lâchera jamais, par exemple. Des poumons qui sont plus efficaces. Bon. Oui, bon, jusqu'ici. Des yeux sans cils. Et des grandes oreilles pour mieux percevoir les sons. On a une peau reptilienne qui permettrait de bloquer les rayons ultraviolets. Ouais. Bref, elle est parfaite. Elle n'est pas très jolie, mais elle est parfaite, cette jeune femme évoquée. Ce pourrait être un homme. Mais surtout, on a rajouté un petit nombre de caractéristiques qui pourraient nous être utiles pour nous, humains parfaits, d'un prochain horizon. D'abord, on pourrait avoir des jambes inspirées de celles des émeus. C'est des grandes autruches pour courir plus vite, marcher plus vite. Enfin, bon. Mais surtout, l'horreur absolue, c'est une poche comme chez les kangourous. Et pourquoi ? Demande pas pourquoi, à mon avis, t'aimerais bien avoir une poche. Tu mettrais ton goûter, petit tire-bouchon. La petite poche pour pouvoir protéger nos enfants, mettre nos affaires. Des grandes jambes, une poche et tout à l'intérieur, version optimisée. Bah, prenez une banane. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso oui. RTL 2. Voici la nouvelle chanson de Texas, Midnight. le nouveau Texas Midnight dans le double expresso RTL 2. 6h23, c'est vendredi aujourd'hui. Oui, ça sent le week-end, c'est plutôt pas mal. Voici l'horoscope du jour, Justine, avec les médailles de bronze et les Gémeaux. Vous avez l'impression d'être mis de côté, les Gémeaux, renouez le dialogue. Vierge. La semaine a été éprouvante, vous la terminez sur les rotules. Poisson. Vous avez le sentiment de tourner en rond, fixez-vous de nouveaux objectifs pour avancer. Les médailles d'argent maintenant avec les Béliers. Et vous savez préparer votre avenir, le futur s'annonce radieux. Par exemple, t'as prévu ton déj déjà, bravo. Oui. Les Taureaux. Vous avez envie de faire plaisir et c'est vos proches qui vont en profiter. Cancer. Vous êtes l'homme qui règle tous les conflits, un vrai diplomate. Lion. Préparez-vous à faire une nouvelle rencontre qui va vous donner le sourire. Balance. Vous savez être patient, une qualité qui finira par vous ouvrir des portes. Scorpion. Amour, travail, santé, tout roule comme sur des roulettes. Sagittaire. Ce n'est pas toujours le cas, mais votre humour fera des ravages aujourd'hui. Capricorne. Vous êtes un curieux, tout vous fascine. La médaille d'or du jour, c'est pour vous les Verseaux. Les bonnes nouvelles s'enchaîneront jusqu'au soir, l'idéal avant de démarrer le week-end. Et nous, c'est le son pop rock qui s'enchaîne, et bien en plus, hein, pour parfaitement commencer la journée. Voici le Floyd Another Brick in the Wall sur RTL de bonjour. We don't need no education. We don't need no thought control. Et Another Brick in the Wall sur RTL 2 à 6h27. Muse, Stuff Contagion se profile à l'horizon. Et puis Justine, le premier winner du jour. Une histoire improbable, apparemment au Canada, si vous n'aimez pas un plat, vous pouvez appeler la police. Ah bon ? Je vous explique ça. A tout de suite sur RTL 2, j'ai hâte de savoir. Tous les jours, les vendredis à partir de 22h, c'est RTL 2 Pop Rock Party, le mix avec RLP. 3 heures de mix pop rock en live. Écoutez. Montez le son. Pop Rock Party, le mix avec RLP. Ce soir à partir de 22h sur RTL 2. L'été, les projets fleurissent. Et chez Castorama, on va vous aider à les faire grandir. Voilà pourquoi on vous facilite la vie en vous proposant la livraison gratuite. Oui, la livraison gratuite sur tous les produits jardin, construction et menuiserie. Eh oui, la livraison est offerte chez Castorama. Mais attention, ce n'est que du 22 au 24 juin. Alors vive l'été et en avant les projets! Castorama, ensemble on peut tout faire. Offre valable du 22 au 24 juin, voire conditions en magasin. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, je suis chez Lidl là. Qu'est-ce quoi encore? T'as pas la pêche? Eh ben c'est ça, par contre ici ils ont la nectarine. Hein. Oh, je dois rigoler peut-être là. Ah non, désolé, mais quand aujourd'hui et demain ils nous font la barquette d'un kilo de nectarine origine France à 1,69€, eh ben le moral en prend un coup patron. 1,69€ la barquette d'un kilo de nectarine? Mais c'est pas vrai. Hein. Ah mais si patron. Hein. Ah on est mal, hein. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 56-61, chair jaune ou blanche selon magasin, origine France. Boule, votre nouvelle série inédite, débarque sur M6. Michael Weatherly, l'ancien agent spécial d'Inozo de MCIS, incarne ici Jason Boule. Brillant psychologue spécialisé dans les procès, il n'a qu'un but, prévoir le verdict final. Inédit, Boule, c'est tous les vendredis à 21h sur M6. Oh, oh, oh, M6. Il est 6h30, bon réveil avec le double expresso RTL 2 et les infos c'est tout de suite, c'est avec Fabienne Terkaev. Bonjour Fabienne. Bonjour Justine, bonjour à tous. Mélania Trump au chevet des enfants clandestins. La première dame des États-Unis s'est rendue sans prévenir hier dans un camp pour enfants migrants compatissantes. Elle est allée à la rencontre des enfants et du personnel du camp. Et Mélania Trump a suscité la polémique en portant avant et après sa visite sur place une veste avec inscrit la phrase « I really don't care » dans le dos, je m'en fiche complètement. Les commentaires vont bon train sur le net pour savoir à qui était destiné ce message. Des soucis judiciaires pour les frères Bogdanov. Les jumeaux Igor et Grishka ont été mis en examen hier pour escroquerie sur personnes vulnérables et tentative d'escroquerie. Ils auraient pris quelque 800 000 euros à un producteur de cinéma aisé mais fragile sur la gestion de ses biens et placé sous curatelle. Les frères contestent fermement les faits qui leur sont reprochés. Les produits américains plus chers. L'Union européenne taxe à partir d'aujourd'hui des dizaines de produits en provenance des États-Unis, comme par exemple le beurre de cacao, le tabac, le bourbon, les jeans ou encore les motos. Une taxation en réponse aux droits de douane des États-Unis sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Europe, entre autres. Comment sortir du glyphosate? Les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique, Stéphane Travers et Nicolas Hulot, reçoivent ce matin l'ensemble des acteurs concernés par le sujet, les syndicats agricoles, les industriels, les distributeurs et autres. Ce comité de suivi d'une soixantaine de personnes doit mettre en place un processus de sortie de cet herbicide controversé, ce qui est prévu dans un délai de 3 ans en France. La France qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde de foot. Les Bleus ont battu le Pérou 1-0 hier, but de Kylian Mbappé. Ils sont donc qualifiés pour la suite de la compétition et conservent la tête du groupe C devant le Danemark et l'Australie. L'Argentine, qui jouait hier soir, est au bord de l'élimination. Les Argentins, finalistes en 2014, ont été humiliés par la Croatie 3-0. Et c'est reparti pour une journée ensoleillée sur la France, gris sur le Pays Basque ce matin. On devrait aussi avoir quelques passages nuageux sur les frontières du Nord-Est et également du côté de la Côte d'Azur avec quelques averses possibles du côté de Nice en matinée. En milieu de journée, le temps devrait être ensoleillé pour tout le monde. Le week-end sera beau aussi, mais pas étouffant et le ciel bleu continuera la semaine prochaine avec des températures qui vont progressivement remonter. Le temps ce matin, on plutôt les températures ce matin. 7 seulement à Lille, 9 à Rennes, 12 à Paris, 13 à Lyon, 20 à Toulouse, mais déjà 25 en Corse à Lille-Rousse. 6h32, bonjour à vous qui venez de nous rejoindre. Bon début de journée, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. C'est le double expresso, voici News. Black skies, brain cleanse, fractured identity. eternity, fragments and scattered debris. Pop me up before I black out. Or withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. De Tough Contagion. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. 6h35, c'est l'heure du premier winner du jour, vous en avez l'habitude, avec Justine évidemment. Et je vous parle d'un enfant de 12 ans, un Canadien, qui n'était pas très content, il l'a fait savoir. En fait, il a appelé à deux reprises, deux fois, la gendarmerie d'Halifax, donc sa ville, dans la soirée du 12 juin. C'est au Canada donc. Oui. Ah oui. Ah oui, il est Canadien. Ouais, ouais. Oui, il est Canadien. Il a donc appelé la police deux fois parce que le repas qui lui était servi ne lui plaisait pas. Mais comment ça ? Je vous explique. En fait, il était un petit peu avant 22h. Il a composé le 911 et il a expliqué que la salade préparée par la personne qu'il gardait, par sa babysitter, n'était pas à son goût. Il a rappelé ensuite la police et il a dit « Non, mon repas ne me plaît pas, est-ce que vous pouvez venir ?» Les gendarmes sont venus. Mais enfin. Mais alors pas pour interpeller la babysitter en lui disant vous cuisinez mal. En fait, il a été il a fait la leçon simplement. Ah oui, ils sont venus lui dire arrête de nous déranger parce que t'as pas aimé le repas quoi, tout simplement. Bah, et puis les policiers sont pas là pour ça, hein, oui, simplement. Bah, mais ils ont pris le temps en tout cas de lui dire bah non. Après, il est possible que la police n'ait pas goûté la salade, ça se trouve, elle était vraiment dégueulasse. Non, mais quand même. Genre, peut-être que l'appel était justifié, en effet. Il a essayé d'empoisonner l'enfant, veuillez venir en prison, madame. Déjà, on fait pas de salade à un enfant de 12 ans. Hein. Arrête, bah, si. Mais oui, c'est une blague. Non, mais... ah, je suis premier degré. Ah maintenant. Non, fais des nuggets, des trucs bien gras avec du ketchup et de la mayo. Et voici Sixpence and the Richer sur RTL 2.

6h45, 7h moins le quart si vous préférez. On va jouer avec Bruce Springsteen qui se prépare. C'est impressionnant hein, dans les couloirs, Justine, comment il se prépare. Bon, ça. C'est le mot. Ah ouais, non, c'est un truc assez fou. Un jour, on vous filmera les coulisses de Bruce Springsteen et vous verrez. Ah, très bien. Ah, il arrive. Vous verrez à quoi il ressemble. En vrai, c'est dur. Changing sur RTL 2, 6h48, ça va être l'heure de brosse. RTL 2, le tube de la brosse à dents. Et surtout, c'est l'heure de Cécile. Bonjour Cécile. Salut, ah, bonjour. Voilà, elle bonjour était cachée, Cécile. Elle était cachée dans le combiné, elle fait des blagues, elle rigole le vendredi matin, Cécile. Bonjour, comment ça va Cécile? Elle est très contente d'être là avec vous. Ah bah nous aussi, on est ravis. Je me réveille, mais je suis contente. Bah oui, on est ravis. Vous êtes sur Paris, c'est ça? Oui, Paris 13. C'est rare finalement d'avoir des Parisiens aussi à l'antenne de temps en temps, ça nous change. Alors ma chère Cécile, vous êtes vraiment de bon matin, de bonne humeur, je l'entends à votre voix. Et vous ne connaissez pas Bruce Springsteen encore, vous ne le connaissez pas ce garçon, vous l'avez entendu mais vous ne l'avez jamais vu. Bah oui, il est là. Ça, on va vous le présenter. Oh yeah, bonjour les paprocœurs, bonjour ma Cécile, en forme? Enfin! Oh, il est magnifique! On se sent tous obligés de parler, bizarrement. Oui, bah c'est sûr que quand il nous parle, Bruce, on a l'impression qu'il faut qu'on parle comme des gros. Ouais, moi, comme ça, comme Bruce! Bon, Cécile, qu'est-ce qu'il y a gagné ce matin? Justine va vous le dire. Il y a 500 euros à dépenser sur le site partout.com. Ah, oui. Eh oui, ça serait bien. Oui, super. Allez, à vous de découvrir la chanson interprétée par Bruce. À toi. Allez Cécile, à vous. Alors close to me, The Cure. Non. Mais quoi, vous avez dit? Vous avez dit quoi? The Cure. The Cure. Non, c'est pas The Cure close to me. Oh. C'était Police. Don't stand so close to me. C'est pas la même chanson. Bon, c'est pas passé loin, mais on va vous offrir un double cadeau. D'abord le mug du double expresso RTL 2. Et puis également un Pace Person Be Well Connect. C'est parfait pour l'été, ça. Écoutez. Ouais. Non, mais il est super. Non, Il super est top, technologique, ouais. Franchement, il est top. Vous le reliez à votre téléphone portable. C'est un très très bel objet de nos copains de Be Well Connect. Voilà, c'est cadeau. On vous embrasse, on vous souhaite une belle journée. Cécile, on espère rejouer avec vous prochainement. Et Cécile, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un double expresso. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. So close to me sur RTL 2, il est 6h53, retrouvons le comique. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour Grégory Hacher. Je suis désolé. L'animateur. Ouais, bah voilà, exactement. Je te présente Justine Salmon, enfin ce qu'il en reste. Bonjour Justine Bonjour. Salmon, l'animatrice. Il en faut peu pour me faire rire aujourd'hui, vas-y. Allez. Ça suffira avec ce que t'es capable de faire, vas-y Jonathan. Ça ira bien le comique troupier. On va commencer avec du sport. Le Pérou envisage d'annuler l'édition 2019 du Paris-Dakar, faute de budget. Oh, ah, bah alors. Bon, après, vu que ça s'appelle le Paris-Dakar, il y a moins que personne ne s'en aperçoive, donc on est tranquille. Bah, c'est parce qu'ils viennent foutre dans l'histoire, hein, encore, mais bon. Petite info insolite, on s'en va au Japon. Un salarié japonais de 64 ans a été sanctionné pour avoir pris 26 pauses déjeuner de 3 minutes entre septembre 2017 et mars 2018. C'est pas bien long quand même. C'est pas bien long. J'espère que personne ne compte mes pauses pipi parce que va falloir que je me cherche un autre boulot à la rentrée sinon. Oh, mais toi, oui. Je pense que t'as une petite vessie. Bah, je suis désolé de vous annoncer ça dès le matin, mais. Mais Jonathan passe 7 minutes aux toilettes.

Pink, Beautiful Trauma sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Le double expresso RTL2 de 6h à 9h. C'est vendredi, 500... Le bon look. Oula. Alors ouais. Oui, on a fait la petite soirée du double expresso RTL2 hier soir. Ben voilà, hein, le résultat. Greg... Ouais. Qui n'arrive plus à parler. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Non, commence pas à toi. Max des réseaux sociaux, bonjour à toi. Bonjour à Jonathan O'Donnell. Bonjour. Et bonjour à Jérémy, notre réalisateur. Bonjour l'équipe. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jimmy Somerville, j'adorerais sa voix. C'était le chanteur de Bronski Beat, c'est des Communards également. Et puis c'est l'anniversaire Cyndi Lauper. Alors je sais, on dit pas trop d'anniversaire, mais on peut pas passer à côté. C'est une énorme star du son pop rock, c'est l'anniversaire de Nicolas Sirkis d'Indochine. Je suis incapable de lui donner un âge. Bah, je vais te le dire, c'est 59. 59 ans. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il a toujours été là, en fait, Nicolas Sirkis. Tout le temps. Bah, toute il ma a vie. Toujours été là. Bah, oui, forcément, parce qu'il est plus âgé que moi. C'est pas qu'une impression. Bien joué, madame, ça vous rajoute 5 points. Ça va directement dans le Noura. Bonne Jovie, Escobar et Sil. C'est le son pop rock qui va vous accompagner ce matin. La banque RTL2 à 7h45. Inscription au 3228. Bonjour. T'es touchant. Gonna survive on love.

De 6h à 9h, c'est le double expresso RTL 2. Expresso du double expresso RTL 2. Alors une info expresso qui excite mais énormément mais oui, Greg. Mais oui, parce que c'est la technologie, c'est la vie. Ce matin, je suis une sorte de Michel Chevalet. Je vous raconte deux choses que j'ai eues dans le Parisien qui sont vraiment très très intéressantes. Bon, le Parisien aujourd'hui en France. Bon alors déjà, le vélo. Qui c'est qui ici fait du vélo? Moi j'aime bien. Moi je sais en faire. Tout le monde en fait un petit peu du vélo. Ouais. Bon. Alors le problème du vélo, c'est que ça peut se voler. Avec des petits antivols, on se fait... Si, mais sache qu'il y a quand même 7% des vélos qui se font voler à chaque fois, plus d'un millier par mois. 7% des utilisateurs ne retrouvent pas leur vélo. C'est chiant, t'as un vélo. Bah là, il y a le premier vélo involable qui existe. Mais alors comment ? C'est bien. Alors, c'est le modèle Smart d'une société hollandaise qui s'appelle VanMoof. Alors, il y a deux versions. Le premier, il y a un GPS de localisation, comme les téléphones. D'accord. Donc, comme ça, on vous repère votre vélo, vous pouvez le retrouver. Si jamais ça ne suffit pas, il y a une alarme qui sonne de plus en plus fort. Mais si ça ne suffit pas, il y a même, de la part des Hollandais, une société de détectives qui retrouve votre vélo partout dans le monde. C'est vraiment compris dans le prix du vélo. Et si vraiment ça suffit pas, eh ben on vous le remplace. C'est bien. pas mal quand même. Je comprends mon excitation. Ouais, je vois que ça a été très enthousiaste. Je crois que Greg s'est souvent fait voler ses vélos. Et il y a autre chose. Ouais, une autre technologie. Pour ceux qui dorment à côté de ronfleurs, mieux que les boules qui est, c'est des écouteurs. C'est la marque Bose qui a sorti ça, qui permettent de diffuser des sons très agréables pendant la nuit. Ça ne tombe pas, ces écouteurs ne bougent pas. Mais par contre, ça laisse passer les sons des alarmes ou des réveils. Mais t'entends vraiment rien si la personne ronfle à côté de toi. Je sais pas si ça fait pas un petit peu nature et découverte, un peu nature. Ouais. Ouais, c'est bizarre, mais. Et bien, à côté de ça, les sons des alarmes et des réveils passent quand même. D'accord. Pas mal, non? Bah, c'est on vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Allez-y. Emma Domas sur RTL2 avec Escobar. Voici You Got Me. Avec la voix des Madonna, c'était You Got Me dans le Double Expresso RTL de 7h26. Voici les astres, votre horoscope de ce vendredi matin, les médailles de bronze, Justine et les Gémeaux. Vous avez l'impression d'être mis de côté, renouez le dialogue. Vierge. La semaine a été éprouvante, vous la terminez sur les rotules. Les poissons. Vous avez le sentiment de tourner en rond, fixez-vous de nouveaux objectifs pour avancer. Médaille d'argent avec les béliers. Vous savez préparer votre avenir et le futur s'annonce radieux. Taureau.

bad day, c'est tout l'inverse. C'est une belle journée qui s'annonce avec le double expresso RTL2. RTL2, ah oui. La chanson du jour. C'est toi qui l'as dit, on part en boîte de nuit. Oh oui, oui, c'est un grand classique des pistes de danse. Vous avez forcément dansé dessus parce que ce soir, c'est la RTL2 Pop Rock Party avec RLP à partir de 22h. Du coup, on se met dans l'ambiance, hein, généralement le vendredi que ma chanson du jour. C'est une chanson du groupe Soft Cell et c'est Tainted Love. C'est vrai que c'est idéal pour lancer le week-end. Alors, c'est une reprise, une fois de plus. C'était la semaine des covers, des reprises dans la chanson du jour. C'est une chanson qui date normalement de 1964, chantée par Gloria Jones. Mais évidemment, elle a pris son envol, son essor avec cette reprise de Soft Cell. Et elle était souvent mixée en boîte de nuit avec la reprise du groupe Supremes de Diana Ross, Where Did Our Love Go. Alors, on va écouter ça dès ce matin. Écoutez bien. Et en boîte, on faisait souvent le tout, tout, tout, tout, tout. Tu mettais comme un gros ringard là. Pam, pam. Et ça bougeait le bras en même temps. Ah non. Pam, pam. Voici Soft Cell sur RTL2. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart. Chez vous en écoutant Soft Cell, Tainted Love sur RTL2, le pam pam avec le bras. Tu l'as appris à tout le monde, en tout cas dans le studio. Hey, tout le monde le connaissait. Jérémy, tu le connaissais celui-là? Je confirme. Mais bien sûr, Max aussi. Ah oh bah oui. Hein. Jonathan. Oui, même moi. Eh bah, ah, bah même lui, ouais. Connaît. Voilà. Hein, t'imagines la New Wave et Jonathan Donnell, je peux te dire que boum, pour lui, c'était une insulte encore il y a quelques jours. Du son pas proc à suivre également. Ah ouais. Le King of Pop, Michael Jackson. Et on va jouer au jeu de la banque aussi. Ouais. Appelez-nous au 3228 ou vous envoyez le mot banque au 74900 pour 74900, c'est mieux, pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Mais j'avais une soirée hier. Ah oui, allez, salut. C'est Justine Salomon. RTL2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio Pop Rock. Patrick, j'ai dit non, on ne va pas au rayon fruits et légumes. Allez, aujourd'hui et demain, les nectarines jaunes et blanches sont à seulement 1,39€ le kilo. Patrick, t'es devenu accro aux promos. Mais c'est les jours fous de fraîche et Netto, c'est du délire. Il y a des promos partout. Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre B, catégorie 1, origine Espagne. Liste des magasins participants sur netto.fr. C'est moi ! Bah, t'as changé la table ? Non. Et le buffet ? Non plus, j'ai appris à relooker nos meubles chez Ikea. Waouh ! Mais qu'est-ce que t'as fait de l'armoire de ma mère ? Ah là, j'ai rien pu faire, mais elle fera une très jolie table basse. Vous aussi, offrez une nouvelle vie à vos meubles. Ce samedi 23 juin chez Ikea, vivez une journée exceptionnelle autour du développement durable. Profitez des conseils de nos experts au cours d'ateliers gratuits pour réduire notre impact sur l'environnement. Ikea. Liste des magasins participants sur ikea.fr. Mon

The gangs crossing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Oh, damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Michael Jackson, Black or White sur RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. Bonjour Angélique. Bonjour. Ça va? Ah bah oui, génial. Salut Angélique. Bonjour. Vous êtes à Roanne dans la Loire, belle ville de basket. Roanne, tiens, pendant un temps, c'est tout une belle fait. Équipe, on est d'accord. Dites-moi, vous êtes extrêmement forte en self-défense, c'est ça que je vois sur votre fiche? Extrêmement forte. Bah, écoutez, il y a un cœur avec marqué self-défense. Vous pratiquez le self-défense? Je pratique le self-défense, tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous embêter, quoi. Hein, une petite clé de bras, on n'en parle plus. Ah ouais, d'accord. Bon, Angélique, nous, on vous veut que du bien, évidemment. Oui. Pas de mauvais gestes, pas de balayage, pas de clé de bras. Si jamais ça se passe mal, il n'y a pas de raison. Vous connaissez le principe. Hein. Évidemment, il y a des coffres. Certains sont pleins, d'autres sont rigolos, d'autres sont vides. À vous d'éviter les coffres vides. C'est la banque RTL2 jusqu'à 10 000 euros. On y va, on joue? Eh ben, c'est parti. Allez, top chrono, une minute. Bonne chance. Coffre 1. Merci. Un smartphone Huawei P20 Lite. Très beau téléphone pour faire les photos. 370 euros. On passe coffre 2. Une platine vinyle. Ah, je passe aussi. Coffre 3. Un séjour pour 4 personnes au parc Astérix. 650 euros. Je garde. On prend les ça enfants vont être ravis. Oui. On a plus de 30 secondes. Hein. Ouais, on a encore un peu de temps, hein. Comme vous voulez. Non, je garde. Eh ben bravo. Oh, génial. Un séjour donc au parc Astérix pour 4 personnes. Vous avez l'hôtel de compris, le petit déj, le dîner. Ah ben. Attends, j'ai zoomé. Ça venait. J'ai assumé. Angélique, pardon pour ce moment de radio spontané. Je suis désolée, j'ai des allergies. J'ai extrêmement peur, c'est-à-dire que je la vois s'éloigner du micro, mais Juju, je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis voilà, bah c'est l'éternuement. Bravo, vous allez pouvoir séjourner au parc Astérix en famille, un week-end complet, l'hôtel, les repas, tout est compris, c'est pour nous. C'est pour vous, surtout, on vous embrasse, on vous souhaite une belle journée. Amusez-vous bien avec les enfants. Et Angélique, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Le groupe Fun sur RTL2, We Are Young. RTL2, les savoirs inutiles. Pour épater les copains. Vendredi, un savoir inutile qui pourrait inspirer nos députés. Ah. Et pour ça, on va remonter à l'Antiquité. Tadam. Certes, qui ? Greg, écoute bien. Les anciens Perses votaient les lois en deux temps. Ah. Une première fois en étant complètement ivre et une deuxième fois totalement sobre. Et là, la subtilité est là. S'il votait les deux fois la même chose, bah, c'était validé. Ça va pas. C'est quand même très drôle, non ? Et il revote lucide ? Ouais. C'est un peu comme toi. On fait la fête. Va, oui. On a fait la fête. Ah, eh ben, c'est validé cette soirée. Incroyable. C'est donc rigolo. Ah bah t'es parti toi. Il est chaud. On fait de la radio, il danse là. Il est pas mal mon savoir inutile, non ? Ouais, je danse là, j'ai pas le temps. Bon bah on est sur le sirtaki. Hein. Ouais, voilà. Faites attention si vous êtes au volant. Hein. Oui, ne mets pas les pieds. Jérémy, t'as honte un peu. Hein. Oui, t'es pas en forme. Allez, on va écouter Maroon 5. This Love dans le double expresso RTL 2. Et ne faites pas comme les Perses, hein, s'il vous plaît. Prenez votre décision sobrement en écoutant le double expresso RTL 2. Satisfied. Oh, can't play.